Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace. On parle de planètes géantes dans le système solaire, en compagnie de Thérèse Encrenaz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes spécialiste de l'étude des atmosphères planétaires. Vous êtes vice-présidente de l'Observatoire de Paris en ce moment. C'est une place tournante, on le sait, comme dans les galaxies. Merci d'être là pour nous expliquer finalement ce qu'on avait un peu mis de côté quand on s'intéressait au système solaire. Et bizarrement, ce sont ces plus gros éléments, hein, ce sont les planètes géantes. Alors, c'est vrai que on s'intéresse majoritairement aux sites d'exploration que sont Mars, que sont les anneaux, les satellites de Saturne, que sont, je dirais même, les confins du système solaire. Et puis, les grosses planètes, eh bien, finalement, on s'y est un petit peu habitué. D'abord, peut-être, pourriez-vous nous préciser pourquoi est-ce qu'il y a deux classes distinctes de planètes dans le système solaire? Pourquoi est-ce qu'il y a des telluriques et de l'autre côté des gazeuses? Qu'est-ce qui les distingue? Alors en fait, cela s'explique très bien par leur mécanisme de formation. En fait, il faut, je crois que tous les astronomes aujourd'hui sont d'accord sur le modèle général de formation du système solaire. Et ce modèle, il part d'une nébuleuse en rotation qui s'effondre en un disque. Et au sein de ce disque, vous avez des inhomogénéités et vous allez avoir la formation de petits agrégats à partir de matières solides. Et c'est ça qui est important, c'est que les planètes se forment à partir de particules solides. À côté de ça, vous avez le fait que la température décroît depuis le Soleil vers l'extérieur. Et vous avez aussi le fait que les éléments les plus lourds sont aussi les moins abondants. Simplement parce qu'il faut plus d'énergie pour les former au sein des étoiles. Donc, pour former un atome très lourd, il faut évidemment beaucoup d'énergie et on en trouve très peu. Alors, à partir de là, vous avez deux cas de figure. Si vous êtes près du Soleil, disons à une ou deux unités astronomiques, à ce moment-là, la seule matière solide disponible est celle des éléments lourds, parce que la température est trop élevée pour que des molécules comme l'eau ou le méthane ou l'azote soient sous forme solide. Elles vont être sous forme gazeuse. Et par conséquent, vous pouvez fabriquer des noyaux qui vont être relativement petits parce que la masse solide disponible est limitée. Maintenant, vous allez à 5 unités astronomiques et au-delà, la température a chuté. Elle a chuté suffisamment pour que toutes ces molécules légères qui sont combinées à l'hydrogène comme H2O, CH4, NH3, H2S, etc., toutes ces molécules, elles sont maintenant sous forme de glace. Avec ces glaces, vous fabriquez des gros noyaux. Et la théorie montre en fait que les noyaux peuvent atteindre une dizaine de masses terrestres. Et lorsque vous atteignez cette masse, le champ de gravité de l'objet est suffisant pour attirer la matière environnante. Or, qu'est-ce que c'est que la matière environnante? Eh bien, c'est essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, parce que ce sont des gaz extrêmement abondants. Et vous fabriquez comme ça des planètes qui sont très volumineuses, et de faible densité par rapport au tellurique. Donc il y a une frontière, il y a une limite. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, en fait, on peut dire que lorsqu'on a découvert des exoplanètes géantes à proximité immédiate de leur étoile, ça a été, pour les astronomes, une véritable révolution. Parce que notre modèle de formation du système solaire ne prévoyait pas ce scénario. Et c'est pour ça qu'on a fait appel, bon, ça nous entraîne peut-être un peu plus loin, mais ceci a fait appel, on a été amené à faire appel à des mécanismes de migration, c'est-à-dire qu'on pense que les planètes géantes, les exoplanètes géantes, se sont formées loin de leur étoile, et que par des mécanismes d'interaction avec le disque, elles se sont progressivement rapprochées. D'ailleurs, avec des mécanismes qui restent encore à mieux comprendre. Ça, c'est une grande chance, hein, pour les astronomes qui s'intéressent aux planètes de pouvoir faire de la planétologie comparée avec ce qui se passe à l'extérieur. Absolument. Et vous parliez de l'intérêt pour les planètes géantes. Je pense que l'intérêt pour les planètes géantes, même de notre système solaire, s'est trouvé revigoré, en quelque sorte, un peu ressuscité par la découverte de toutes ces exoplanètes d'autres systèmes planétaires. Pour revenir à cette frontière, on l'appelle la limite de glace, c'est ça ? Oui, on l'appelle la ligne des glaces parce qu'en fait, c'est l'endroit, enfin, c'est la distance au Soleil à partir de laquelle ces molécules vont se condenser. Et là, il y a quelque chose d'intéressant à noter, c'est que parmi ces molécules, c'est l'eau qui joue le rôle le plus important. Pourquoi? Eh bien, parce que d'une part, c'est la plus abondante, simplement parce que l'oxygène est l'élément lourd, entre guillemets, le plus abondant. Donc H2O va être la molécule la plus abondante. Et en plus, quand vous regardez les courbes de condensation des molécules, vous partez d'une température élevée, vous descendez doucement. La première molécule qui condense, c'est l'eau, et de loin, par rapport à toutes les autres que sont CO2, CH4, NH3, H2S, etc. Donc, ce qui marque, on appelle la ligne des glaces, ou la ligne, en fait, c'est l'eau, l'élément très important dans ce scénario. La ligne de l'eau, quand on la suit, elle nous promène dans tout le système solaire, y Absolument. Compris aux confins. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, en gros, vous avez l'eau, vous allez la retrouver sous forme de glace dans tous les corps extérieurs du système solaire, que ce soit les comètes, les satellites glacés, tous ces éléments, en fait, sont essentiellement constitués d'eau. C'est le seul endroit sur la Terre où on la trouve à l'état solide, liquide et gazeux. Ah oui, alors ça, c'est une grande particularité de la Terre, effectivement. Il semblerait que la Terre ait été vraiment à la bonne distance, ni trop près, ni trop loin, pour avoir l'eau sous toutes ses formes. Et pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres corps nulle part ailleurs dans l'univers qui aient cette propriété. Alors, quand on s'intéresse aux planètes géantes, ce qui est le cas aujourd'hui, il y a encore une sous-classe, c'est-à-dire qu'il y a des planètes géantes comme Jupiter et Saturne, et puis après il y a les planètes alors, dites gazeuses, et puis après il y a les planètes géantes dites de glace. À quoi correspond donc Uranus et Neptune, oui. À quoi correspond cette classification? Alors, effectivement, la différence est très nette, puisque, comme vous le dites, en fait, Jupiter et Saturne ont des masses respectivement d'à peu près 300 et 100 masses terrestres, ce qui est extrêmement massif. Et puis vous avez Uranus et Neptune qui font une quinzaine de masses terrestres. Et si vous vous rappelez que les noyaux de départ font la dizaine de masses terrestres, vous voyez que Jupiter et Saturne sont constitués essentiellement de gaz, tandis qu'Uranus et Neptune sont constitués essentiellement du noyau de glace, avec un peu de gaz autour. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, je peux vous dire qu'en fait, la question n'est pas complètement résolue. Une hypothèse qui a été émise, c'est que Uranus et Neptune se sont formés nettement plus loin que Jupiter et Saturne, à une distance au Soleil où la matière était moins abondante. Donc, il a vraisemblablement fallu beaucoup plus de temps pour atteindre cette masse critique des dix masses terrestres. Et il est possible qu'un événement qu'on appelle la phase Tétori, il s'agit d'une phase où le Soleil est extrêmement actif, ce qui a pour effet de balayer toute la matière vers l'extérieur, il est possible que cette phase soit intervenue avant que Uranus et Neptune aient été complètement formés, auquel cas le gaz aurait disparu au moment où ils auraient été prêts à la créter, vous voyez. Mais bon, il y a quelques problèmes encore avec ce modèle, ça n'est encore qu'une hypothèse. Et vous parlez bien de modèle, hein, c'est-à-dire reconstitution avec des ordinateurs des éléments dont on dispose. Oui, oui. Et alors, en plus, cette hypothèse, elle est un petit peu mise à mal par la théorie récente de migration qui a été développée en particulier par l'équipe le modèle de Nice, Morbidelli et son équipe. Qui montre de manière assez convaincante que les planètes géantes ont légèrement migré, c'est-à-dire Jupiter allant vers l'intérieur et les trois autres vers l'extérieur. Et si ce scénario est exact, Uranus et Neptune se sont formés non pas aux distances où elles sont aujourd'hui, mais à une quinzaine d'unités astronomiques, ce qui ne les met pas très loin de Saturne. Donc c'est un élément qui va un petit peu en défaveur du scénario que je vous décrivais juste avant. C'est pour ça qu'il faut être, je pense, très prudent dans... Ce qu'on peut dire maintenant sur ce sujet. Alors, on peut rester aussi surpris de la différence de masse entre Jupiter et Saturne, parce que c'est quand même pas négligeable. 300 d'un côté, 100 de l'autre. On se dit qu'il y en a une qui était quand même très bien placée, très bien située, oui. Dans un endroit où il y a beaucoup plus de matière, ou en tout cas, elle a attiré plus de matière. Oui, tout à fait. Là, on peut penser qu'effectivement, Jupiter était tout juste après la ligne des glaces, en fait. Donc, il a bénéficié de toute la matière, du maximum de matière... sous forme de glace. Lourde et légère, en fait. Voilà, exactement. Exactement. Donc, la proximité de Jupiter de la ligne des glaces constitue, disons, à l'époque, vers 4, ou entre 4 et 5 unités astronomiques, Jupiter étant entre 5 et 6 à l'époque. Jupiter a dû être particulièrement bien placé pour accréter le maximum de matière. C'est une drôle d'enquête, c'est parce qu'il faut à la fois connaître l'état du Soleil de l'époque, savoir où était placée la planète, à quoi ressemblait la nébuleuse initiale. Oui. Ça s'appuie sur quoi? Sur quel type d'observation? On peut dire que la modélisation numérique a joué un rôle considérable. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé, je dirais, au cours des 10 dernières années. Et ça a été un élément vraiment capital. Maintenant, avec les modélisateurs, sont capables de reconstituer des scénarios de formation des planètes aussi bien telluriques que géantes. Alors, on a quand même d'autres éléments d'observation, en particulier donc les observations de la composition chimique des planètes géantes, qui montrent que les éléments lourds sont beaucoup plus abondants. Disons, le rapport, un indicateur qu'on utilise beaucoup, c'est le carbone sur l'hydrogène, C sur H, à partir des mesures de CH4 sur H2. Et on voit que ce rapport, il est beaucoup plus élevé pour Uranus et Neptune que pour Jupiter et Saturne. Et ça, ça va en plein dans le modèle que je vous décrivais. Parce que si vous partez d'un noyau qui est le même pour les quatre planètes, ce noyau, il est enrichi en éléments lourds, c'est-à-dire le rapport C sur H, il est beaucoup plus élevé. Et donc, comme pour Uranus et Neptune, elles sont essentiellement constituées de ce noyau, vous voyez que ce rapport C sur H va être beaucoup plus élevé, et c'est très exactement ce qu'on observe. Donc là, on peut dire qu'on a vraiment une belle validation du modèle par les observations des abondances chimiques. Alors, les observations, évidemment, ont concerné d'abord les planètes les plus visibles, les plus importantes. Ça a été Jupiter et Saturne. Absolument. Et évidemment, pour tout amateur qui jette un coup d'œil dans une lunette ou un télescope, on va chercher la tache rouge de Jupiter, on va chercher les anneaux de Saturne et essayer de distinguer des ombres, en tout cas dans l'atmosphère de Saturne. Les atmosphères des planètes, finalement, nous donnent aussi une drôle de... comment dire, de perception. On a l'impression qu'il y a des contrastes très violents entre les pluies d'acide cyanhydrique sur Vénus, de l'eau sur la Terre, du méthane à tel endroit. Comment comprendre une telle différence? Et puis d'abord, avant de comprendre cette différence, qu'appelle-t-on réellement une atmosphère planétaire? Alors, une atmosphère, par définition, c'est l'enveloppe gazeuse qui entoure un corps solide. Je pense que c'est... que je ne vous dise pas de bêtises, atmosphère, c'est sphère, enfin on retrouve une origine grecque, c'est en gros l'enveloppe gazeuse. Mmh. Une enveloppe gazeuse qui entoure un corps, donc là la définition elle est assez simple. Vous avez raison d'insister sur l'incroyable diversité des atmosphères, non seulement entre Mars, Vénus et la Terre, mais aussi entre Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En fait, chaque planète est un monde en soi. Et on est encore très très loin de comprendre tout ce qui s'y passe, en particulier pour les planètes géantes. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est que vous prenez Jupiter, ses couleurs, la couleur, la grande tache rouge, on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait toujours pas quel est le constituant chimique qui est responsable de la couleur rouge. On a des idées, mais on n'en est pas sûr. On pense à du phosphore, on pense à du soufre, on pense à des hydrocarbures qui auraient été irradiés. Pourtant, il y a une émission thermique de la planète, donc il n'y a pas de signature? Alors le problème, c'est que les signatures des condensats, les signatures des solides, sont infiniment plus difficiles à mettre en évidence que les signatures gazeuses. Vous avez une molécule simple, H2O, où elle a des signatures spectrales extrêmement claires. Vous la détectez sans ambiguïté quand vous faites le spectre à résolution spectrale suffisante. Mais ce n'est pas pareil pour les condensats. C'est infiniment compliqué. Et en plus, on ne sait pas exactement ce à quoi on peut s'attendre en matière de condensats. On ne connaît pas assez bien les conditions de température, de pression. Et pourtant, on a précipité une sonde dedans, c'est Galiléo. Absolument. Vous étiez vous-même dans l'équipe scientifique de cette mission extraordinaire. Ça a été un beau succès, oui. Ça veut dire qu'on a des infos in situ, quoi. Absolument. On avait des instruments qui étaient censés justement mesurer la composition de ces nuages. Mais il n'y a pas de détermination sans ambiguïté. En fait, c'est par des méthodes indirectes qu'on arrive à dire oui, il y a un nuage de méthane, pas de méthane, pardon. Le méthane, c'est sur Uranus et Neptune. Sur Jupiter, il y a du NH3, donc de l'ammoniac. Et puis en dessous, on a un nuage de NH4SH, c'est-à-dire hyposulfite d'ammonium. Et puis il y a de l'eau. Mais on n'a pas de détermination chimique claire. C'est simplement qu'on fait des hypothèses, on prend des modèles thermochimiques, on dit si ce constituant condense à ce niveau-là, alors c'est qu'il doit être constitué de ça. Ce sont des méthodes indirectes, en fait. Si j'étais dans un vaisseau imaginaire et que je descende dans l'atmosphère de Jupiter, comment me décriveriez-vous ce voyage? Je pense que ce serait assez tourmenté, parce qu'il y a une chose qui est mise en évidence par les observations aussi, c'est la dynamique incroyablement complexe et riche en particulier dans le cas de Jupiter et dans le cas de Neptune. Et Saturne aussi, d'ailleurs. Saturne aussi, il y a des orages. Vous voyez des taches qui se déplacent les unes par rapport aux autres, qui mergent parfois. Et tout ça, ben, on est observateur encore aujourd'hui de ces phénomènes dynamiques. C'est quoi ces phénomènes? C'est des vents, c'est oui, alors ce sont des vortex. On voit dans certains cas des analogies avec des anticyclones terrestres, par exemple. Mais on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que le milieu est extrêmement dynamique. D'ailleurs, la circulation atmosphérique des planètes géantes est encore mal comprise. Parce que vous avez d'une part... dans le cas des atmosphères des planètes telluriques, c'est assez simple. C'est comme la Terre, vous avez essentiellement une source qui est le Soleil. Là-bas, vous avez le Soleil, mais vous avez aussi une énergie interne, comme vous le disiez. Une énergie interne qui participe elle aussi à cette circulation et qui rend les choses vraiment compliquées. Alors je sais que l'image est toujours réductrice, hein, mais pour se l'imaginer, à partir de quel moment on passe, quand on descend dans un vaisseau imaginaire vers Jupiter, à partir de quand on passe de l'atmosphère, donc des nuages, des courants, des vents, etc., à quelque chose qu'on appellerait le gaz ou une absence de surface ou, qu'est-ce qui se passe à la transition? Est-ce qu'il y a une transition d'ailleurs? Il y a certainement une transition, je ne me risquerai pas à vous la décrire. Bon, c'est vrai que si vous prenez l'atmosphère de Jupiter, ben, prenons la sonde Galiléo, donc elle est descendue jusqu'à 22 bars, c'est déjà bien. Vous avez la haute atmosphère, la stratosphère en fait. En fait, la couche qui est vraiment la référence, c'est ce qu'on appelle la tropopause, c'est-à-dire le niveau où la température est minimum. On a l'équivalent sur Terre à une altitude d'une douzaine de kilomètres. Au-dessus, vous avez une température qui s'élève avec l'altitude à cause de phénomènes comme l'absorption du rayonnement solaire, par exemple, essentiellement, des réactions de photochimie, etc. Et puis en dessous, vous avez une région convective, comme sur la Terre, comme la basse atmosphère terrestre. Et vous avez ça sur les planètes géantes. Donc vous avez une atmosphère convective, c'est là que vous allez trouver les nuages, qui descend indéfiniment jusqu'à des pressions de peut-être 1000 bars. Alors, où est-ce que vous allez changer d'état? J'avoue que je ne me risquerai pas à vous le dire. On rentre dans le domaine où il faut, en laboratoire, faire des études d'équations d'état pour comprendre les transitions de phase. Quand on a de l'hydrogène à très haute pression, c'est essentiellement ça. Alors, ce que les théoriciens pensent, en fait, c'est les spécialistes de thermochimie, c'est que dans le cas de Jupiter et Saturne, la pression est suffisamment élevée pour que vous ayez de l'hydrogène à l'état métallique. Ce qu'ils appellent métallique, c'est-à-dire que les atomes d'hydrogène se déplacent librement dans le milieu. Par contre, cet état-là n'est pas atteint dans le cas d'Uranus et Neptune. Mais on en est vraiment là à des calculs, basés d'ailleurs sur des expériences de laboratoire à très haute température et très haute pression. Qu'est-ce qu'on apprend en observant les mouvements d'une atmosphère planétaires comme Jupiter ou Saturne d'ailleurs? Quels enseignements on en tire d'être dans la durée, dans l'évolution, dans le mouvement? On a pratiquement depuis les années 70 maintenant des images en continu, en tout cas à partir de l'espace de ces corps. Oui. Et la dynamique nous donne des informations sur leur nature. Alors déjà l'observation simple, je pense qu'on peut faire, c'est que du fait de leur rotation rapide, ça induit tout ce système de bandes et de zones. Ça, c'est une conséquence de la rotation rapide. Et c'est une illustration du phénomène de dynamo, en fait, en quelque sorte, si vous voulez. Il y a un champ magnétique très fort aussi dans ces planètes. Donc, on peut, en étudiant ces planètes, on peut étudier des phénomènes physiques que l'on retrouve sur d'autres objets. Hein, ça, c'est sûr. Alors, l'intérêt d'observation dans la durée, c'est, je pense, les observations saisonnières. Tenez, récemment, sur Neptune, on a observé que le pôle sud était très chaud, beaucoup plus chaud que prévu. Et on a compris que c'était parce que le pôle, on est au solstice d'été dans l'hémisphère sud actuellement. Or, l'année Neptune, c'est 164 ans. Donc, on vient de passer 40 ans. Oui, c'est ça. On vient de passer. L'hémisphère sud vient d'être chauffé pendant 40 ans. Et le résultat, c'est que le pôle sud présente Enfin, sur 50 degrés, il y a une différence de 7 degrés. C'est important. C'est important. C'est froid, bien entendu, mais c'est moins froid que le reste.